dans cette édition de La Connexion. Blizzard lance une compétition sur World of Warcraft. Après Guitar Hero, DJ Hero. Quelques nouvelles sur le début du GDC 2008. Les athlètes pourront bloguer aux Jeux Olympiques de Pékin. Et le HD DVD est mort. Vive le Blu-ray! Tout ça et plus tout de suite. C'est l'heure du jeu! Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante, je vais être avec vous pendant 2 heures. Dans quelques minutes, on va parler de Nintendo Wii avec une critique de Twilight Princess, le Zelda, ça va être tellement bon! Twilight Princess, est-ce que c'est sur la Wii ou est-ce que c'est sur la... Je me rappelle plus, c'est sur lequel. C'est sur la DS ou sur la Wii? En tout cas. Tout ça plus tard, mais pour l'instant, voici une pièce de 4D. Oh, 89 FM. Désert et le pavé brouillé, les morts vivants perdent des bras et le sang s'assifle, ce n'est pas vivant. Crache dans les poubelles, pleines de verre et de nourriture souillée. Tourne ta tête et regarde-les venir vers toi, ce sont des renégats. Cours le plus vite que tu peux. Tu sentiras que tu vis en ennemi. Le nez te saigne, tu lances des roches. Par la fenêtre, tu vises les torches. Venir vers toi, ce sont des renégats. Les murs sont debout et sont muets. Mais la remange vous ébat. Même sans le cœur, elle fonce vers moi. L'impie, l'imprudent, l'impertinent. Qui quitte les corps morts, prend son temps avec une pioche, tu les traverseras. Ils sont debout et sont muets, mais l'arme mange vos épaves. Même sans le cœur, elles foncent vers moi. L'impile, imprudent, l'impertinent.

instead. When you will find gentlemen. Out at the Pictures de la formation Hot Chip à la Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. 89.1 FM, maintenant c'est l'heure de parler cybercrime! Les nouvelles du monde, tout ce qui est croche en technologie, les choses qui ne sont pas correctes. On commence par la Sûreté du Québec qui a procédé à l'arrestation de 16 résidents du Québec impliqués dans un vaste réseau de piratage informatique. Un autre pirate informatique est toujours au large et est recherché par les policiers de la SQ. Il fait l'objet d'un mandat d'arrestation. Plus de 100 pays sont touchés par cette affaire sur tous les continents. La SQ a reçu l'aide des policiers de la Gendarmerie royale du Canada pour effectuer cette enquête et mener les perquisitions, notamment à Montréal, Québec et Saguenay. C'est la première fois qu'un tel réseau est démantelé au Canada. La SQ a débuté son enquête à l'été 2006 à la suite de diverses plaintes en provenance de particuliers, d'entreprises et d'institutions gouvernementales. Elle a permis d'identifier 17 personnes qui utilisaient des logiciels et des techniques très sophistiquées pour infecter des milliers d'ordinateurs, et ce, à l'insu de leurs propriétaires, créant des zombies, soit des ordinateurs qui permettent aux pirates de les contrôler à distance. Ces ordinateurs ont par la suite été utilisés, entre autres, pour attaquer des sites web dans le but de commettre des vols de données informatiques, de communication et d'identité, ce qu'on appelle de l'hameçonnage. Les suspects interpellés feront face à des accusations d'obtention illégale des services d'ordinateur, d'avoir utilisé un ordinateur pour commettre des méfaits sur des données informatiques et de possession de mots de passe pour commettre ces infractions. La peine maximale prévue au Code criminel canadien pour de telles infractions est de 10 ans d'emprisonnement. Ces individus pourraient faire face à des accusations supplémentaires une fois que le contenu des disques durs saisis aura été analysé par les enquêteurs de l'escouade des crimes informatiques. Microsoft se lance dans une nouvelle stratégie afin de mettre... Est-ce que c'est le cas? On va passer à la prochaine, tiens. Une nouvelle étude sur les cyberprédateurs sexuels montre que, contrairement à la croyance, la plupart des agresseurs sexuels opèrent à visage découvert sur Internet, selon la presse. Le scénario du pédophile qui sévit sur le web se faisant passer pour un enfant pour en leurrer d'autres relève plutôt de la légende urbaine que de la réalité. C'est ce qu'a constaté l'équipe dirigée par la professeure Janice Wallach de l'Université du New Hampshire. La recherche qui sera publiée lundi, en fait, la date de l'article était le 18 février, bien sûr. Donc, la recherche condense les résultats de 3000 entretiens avec des internautes âgés de 10 à 17 ans et de 612 entrevues avec des policiers de différents États et provinces. On y apprend qu'à peine 5% des agresseurs se font passer pour des enfants pour attirer leurs victimes et que 75% de celles-ci rencontrent leur agresseur face à face à plusieurs reprises. Ces données pourraient modifier en profondeur la façon dont les forces de l'ordre combattent les prédateurs sexuels sur Internet, car les victimes de ces criminels sont souvent moins impuissantes, moins naïves qu'il n'y paraît. Le 12 mars prochain, Reporters sans frontières lancera la Journée internationale contre la cybercensure. À cette occasion, vous pourrez participer à la première cybermanif mondiale en direct à partir de 11h du matin, heure de Paris. Venez manifester sur la place Tiananmen de Pékin, ou scander des slogans pour la liberté du web à Pyongyang, la capitale nord-coréenne. Chacun pourra créer un avatar, choisir un message et le brandir dans l'un des pays ennemis d'Internet. Vous pourrez manifester pendant 24 heures et faire d'Internet un moyen de pression contre les cybercenseurs. Faites connaître cette journée sur votre site Internet, votre profil Facebook, Twitter ou autre, dit l'article de Canoë.com. Des bannières seront bientôt disponibles pour l'annoncer. Vous les trouverez sur le groupe Facebook 24 heures contre la cybercensure, dédié à cette journée et sur les pages Internet et Liberté du site Internet de Reporters sans frontières. En 2007, Reporters sans frontières a recensé la censure de plus de 2600 sites Internet par les autorités. Actuellement, 64 cyberdissidents sont derrière les barreaux pour avoir usé de leur droit à la liberté d'expression sur le web. La Chine reste la plus grande prison pour les cyberdissidents. Les blogueurs sont de plus en plus menacés car ils entretiennent et contribuent à animer un réel espace de liberté de ton et d'opinion, notamment en contournant la censure exercée par leur gouvernement sur Internet. Pour beaucoup d'internautes, manifester sur Internet pendant ces 24 heures constituera un risque. Pour vous et pour nous, c'est leur permettre d'être entendus et leur offrir une tribune. Donc le 12 mars 2008, Reporters sans frontières rendra publique sa nouvelle liste des ennemis d'Internet, ainsi qu'une nouvelle version du guide du cyberdissident. L'année dernière, près de 40 000 personnes s'étaient mobilisées pour cette journée. L'article vient de canoë.com. Si vous voulez suivre les liens, passez par le site de l'émission, la connexion au www.unechance.com. Voilà qui fait le tour pour les nouvelles dans le bloc Cybercrime. Voici le top des jeux les plus trichés sur GameFAQs.com. Les gens ont cherché une façon de battre leur jeu sans trop se forcer. En cinquième place, on retrouve Final Fantasy XII sur la PS2. En quatrième, c'est Pokémon Diamond sur la DS. En troisième, c'est Devil May Cry 4 sur la PS3. En deuxième, le même jeu sur Xbox 360. Et la première place est réservée. Le seul et unique jeu en première position, c'est Super Smash Bros. Brawl sur la Nintendo Wii. C'est à la connexion, à CIFU 89 FM, dans vos oreilles et partout dans le monde sur CIFU.ca. Un autre soleil passe devant tes lourdes brumes. Derrière la fenêtre, je m'évade. Je pense à un rêve. Nous allions chercher le bord du monde, le dernier rivage. L'aurore se lève, nous partons sans attendre vers le jour. Vraiment avant. retour, Toshiba abandonne le HD DVD. Apple réduit le prix de son iPod Shuffle et produire de l'énergie avec du tissu. À la connexion. À C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième demi-heure, ça va être le fil technologique. On va parler entre autres des câbles sous-marins là, qui ont été sectionnés il y a quelques semaines. Est-ce que c'est du sabotage? On va aussi parler de scientifiques qui réalisent l'horloge la plus précise du monde. C'est ça l'heure du jeu. Ici. Give her a smile. Hey. Pointed checks, wind on my face. I light a cigarette. Engine is roaring, and roads are steaming. Hearts are glowing, freedom is forever. Angels cannot fall, and devils won't be good. We're just gonna. Playing loud, and we're singing along. My best friend and I, blah, blah. Nothing is denied, and the sky's our guide, and we cannot be confined. No, engine is roaring, and roads are steaming. C'est Thelma and Louise. Oh, que c'est bon. Palmarès anglophone, ça monte sans cesse. C'est excellent. Our Pops, le nom de l'album, c'est Kiss Kiss Kill Kill. Maintenant, c'est le fil technologique. Parlons des nouvelles qui n'ont pas rapport avec l'informatique ou les jeux vidéo, mais qui ont rapport avec la technologie en général. On commence par la grosse nouvelle de la semaine. Toshiba a confirmé qu'elle abandonnait la norme HD-DVD cette semaine. Les rumeurs de vendredi dernier se confirment. Toshiba a annoncé mardi le 19 février l'abandon de la technologie HD-DVD qui se traduit donc par la fin du développement, de la fabrication et de la commercialisation des lecteurs et des enregistreurs HD-DVD, et ce dans le cadre d'une révision en profondeur de sa stratégie globale sur le HD-DVD. Après l'abandon de la norme HD par Warner Brothers Home Video, Walmart, Best Buy et Netflix, l'annonce faite par Toshiba vient probablement sonner le glas du HD-DVD, simplifiant ainsi le choix des consommateurs qui souhaitent investir dans un lecteur ou un enregistreur DVD de nouvelle génération. Le président de Toshiba, Atsutoshi Nishida, qui a tenu une conférence de presse mardi au siège social de Tokyo, a expliqué que sa compagnie avait longuement analysé et évalué quel serait l'impact sur le long terme de la poursuite de ce qui apparaît comme une guerre pour le format nouvelle génération. génération et que Toshiba est arrivé à la conclusion qu'une décision rapide contribuerait mieux au développement du marché. Dans un communiqué, Toshiba a précisé vouloir maintenir sa collaboration avec Universal Studios, Paramount Pictures et DreamWorks Animation, ainsi qu'avec les leaders de l'industrie, à savoir Microsoft, Intel et HP, qui ont contribué à construire avec Toshiba le marché du HD DVD. Toshiba précise également dans ce communiqué qu'elle continuera à apporter un soutien total en matière d'information et de services après-vente à tous les possesseurs de produits HD DVD de Toshiba. J'avais pris un autre article de la part de Canway.com, enfin un article du Journal de Montréal qui parlait aussi de ce sujet-là et je l'ai laissé sur le site. Et l'article est nommé « Le HD DVD est mort ». La guerre est donc bel et bien terminée. Et ça rajoute à la fin de l'article, pour les consommateurs qui se sont déjà constitué une collection de films en format HD DVD ou encore les historiens de la technologie, il y aura des aubaines en magasin très bientôt. Et je cite « Nous avons pris la décision de liquider notre inventaire de lecteurs HD DVD. Il va y avoir des aubaines. » C'est ce qu'indiquait cette semaine le directeur du marketing pour le Québec de Future Shop. La fin de la guerre aura aussi un impact dans le domaine du jeu vidéo, où la PlayStation 3 de Sony, vue comme l'une des principales raisons du succès du format Blu-ray, prend le dessus sur sa rivale, la rivale Xbox 360 de Microsoft, qui était, elle, dans le camp HD DVD. Il y avait un lecteur à part que tu pouvais acheter. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui courent sur Internet disant que Microsoft va sortir un lecteur Blu-ray pour sa Xbox 360. Apple réduit le prix de son iPod Shuffle de 1 gig et annonce la sortie d'une version à 2 gig. Apple annonce la sortie donc de iPod Shuffle à 2 gig. Le lecteur de musique sera disponible au coût de 69$ US d'ici la fin du mois de février. Pour l'iPod Shuffle 1 gig déjà existant, il sera maintenant offert au prix de 49$ US. Les prix canadiens sont un petit peu plus hauts, j'ai lu sur le site de Radio-Canada, d'environ 5$. Le vice-président marketing international des produits iPod souligne dans un communiqué diffusé par Apple à 49$ et je cite le iPod Shuffle devient le plus abordable des iPods et le nouveau modèle 2 gig permettra aux amateurs de musique de transporter davantage de musique avec eux. Newsfactor.com, qui s'est entretenu avec l'analyste en nouvelles technologies Charles King, souligne que les lecteurs MP3 sont de plus en plus petits et deviennent très abordables. Il dit que la technologie nécessaire à la production de ces appareils est beaucoup plus abordable aujourd'hui, ce qui explique pourquoi les prix sont plus bas. Il croit également que cette baisse de prix des iPod Shuffle s'expliquerait par la forte croissance du marché des lecteurs MP3 à bas prix. Et je cite, « L'industrie de la musique se fracture et Apple voit s'accroître la compétition. » Au cours des 4 dernières semaines, on en parle à la connexion depuis, au moins 5 câbles sous-marins situés au Moyen-Orient et en Asie ont subi des dommages plus ou moins graves. Ces bris sont survenus autour de la fin janvier et du début de février, ce qui a privé des millions de personnes de services Internet et de télécommunications internationales à des degrés divers. Personne ne sait vraiment ce qui a pu causer ces bris puisque les explications étaient à tout le moins très imprécises. Or voilà que l'Union internationale des télécommunications laisse entendre qu'il pourrait s'agir d'actes de sabotage. L'organisme qui dépend des Nations Unies a été mis sur pied pour favoriser la communication entre les pays, tout en développant les technologies de l'information. Dans une entrevue à l'agence France Presse, le grand patron de l'organisme a finalement dit tout haut ce que bien des gens pensent tout bas. « Nous ne voulons pas intervenir directement dans les enquêtes qui sont en cours, mais il est évident que nous n'écartons pas l'idée que ces bris aient été causés par des actes de sabotage. » Les experts en la matière semblent divisés. D'une part, il y a ceux qui croient que les bris ont été trop nombreux et trop rapprochés dans le temps pour que ce soit une simple coïncidence. D'autre part, il y a aussi de nombreux spécialistes neutres qui affirment le contraire et qui croient que tout peut s'expliquer par une suite de coïncidences malheureuses. C'est le cas d'un analyste à la firme TeleGeography qui dit que les câbles sous-marins sont endommagés très souvent pour toutes sortes de raisons. Chose certaine, c'est que les responsables de plusieurs pays devront revoir la configuration de leur réseau principal et de leur réseau d'appoint pour éviter de tels gâchis à l'avenir. Selon les dernières informations, les dernières estimations, des dizaines de millions de personnes ont été privées de services Internet dans au moins 5 pays en raison de ces bris. L'article vient de Canway.com. Parlons science un peu. Un groupe de chercheurs américains a mis au point un tissu de fibres synthétiques capable de produire de l'électricité. Ça, c'est selon la BBC. Les fibres synthétiques développées par l'équipe de chercheurs de l'Institut de technologie de Géorgie, un état du sud des États-Unis, sont munies de petits fils piézoélectriques qui génèrent de l'énergie lorsqu'ils sont en mouvement. Et je cite... Nous pouvons profiter des courants d'air et des vibrations qui font bouger les tissus pour produire de l'électricité, de l'énergie. C'est ce qu'a expliqué à la BBC le professeur Zhong Ling Wang, responsable du projet. Cette technologie pourrait par exemple être utile pour alimenter nos appareils électroniques jetables. Portables, je déparle, comme toujours. Selon le chercheur, deux fibres d'une longueur de 1 cm produisent une tension électrique de 4 millivolts et une intensité de 4 nanoampères. En améliorant la technologie, un morceau d'un mètre carré de tissu fabriqué avec ces fibres pourrait alimenter un baladeur audio numérique comme le iPod. D'autres chercheurs consultés par la BBC soulignent cependant qu'il faudrait une plus grande surface de tissu et beaucoup de mouvements rapides pour réussir à alimenter correctement un appareil électronique portable. Pour lire l'article complet de la BBC, passez par l'article qui s'appelle « Produire de l'énergie avec du tissu ». C'est sur le site de l'émission au www.unechance.com. Les résultats obtenus par l'équipe de chercheurs sont présentés dans le nouveau numéro du magazine scientifique Nature. Des scientifiques américains affirment avoir mis au point l'horloge la plus précise au monde. Apparemment, elle ne perdra ni ne gagnera même une seconde au cours des prochaines 200 millions d'années. Évidemment, personne vivant aujourd'hui ne sera là dans 200 millions d'années pour vérifier l'exactitude des affirmations de ces chercheurs. Mais quoi qu'il en soit, il semble que la nouvelle horloge soit beaucoup plus précise que celle qui est actuellement utilisée par l'Institut national des standards et de la technologie des États-Unis, elle-même d'une précision à la seconde près pour les 80 millions d'années à venir. La nouvelle horloge a été mise au point à l'Institut national en collaboration avec des scientifiques du Joint Institute for Laboratory Astrophysics et de l'Université du Colorado. Et ce n'est qu'un début, ce n'est pas fini. Le responsable du projet, le professeur Jun Yi, croit qu'il sera en mesure d'inventer un processus qui permettra de produire une horloge précise à la seconde près pour les prochaines 2 milliards d'années. Les scientifiques disent que dans le futur, plusieurs secteurs d'activité, notamment l'exploration spatiale, reposeront sur des données extrêmement précises qui seront fournies par ce type d'horloge atomique. Le professeur Jun Yi estime qu'une telle précision pourrait un jour aider l'homme dans ses déplacements. Et je cite, « Si à l'heure actuelle, nous sommes en mesure d'envoyer des petits véhicules téléguidés sur la planète Mars et de les faire circuler là où nous voulons, je suis certain qu'on pourrait faire la même chose avec les voitures et de les contrôler à distance à partir de satellites. » Voilà qui fait le tour pour le bloc technologique. Maintenant, je crois que ce serait une bonne idée d'aller entendre une petite pièce musicale. C'est celle d'El Motor qui s'appelle Les Cesso sur le palmarès francophone de Cifou. Vous écoutez La Connexion, émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Restez là parce que dans quelques minutes, on parle d'informatique. Motor est la pièce DLSSO de leur album éponyme. C'est sur le palmarès francophone de C'est fou en ce moment même et c'est très bon. Fil informatique maintenant, parlons des nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs. Une page web sur 1000 serait fabriquée par des pirates informatiques afin de duper les internautes et les faire télécharger des logiciels malveillants sans leur consentement. Ça, c'est selon Google. L'entreprise a utilisé son puissant algorithme de recherche pour dénicher le nombre de pages web qui représentent un risque sécuritaire pour les internautes. La compagnie en a trouvé 3 millions. Et je cite, « La visite de sites Internet pornographiques représente évidemment un risque sécuritaire plus grand pour les internautes, mais d'autres recherches plus régulières nous ont également conduit vers des pages web qui installaient un logiciel malveillant sans notre consentement. » C'est ce qu'a expliqué au webzine InfoWorld le chercheur en sécurité informatique chez Google, Neil Provost. Selon le chercheur, 67% des pages web frauduleuses répertoriées se trouvaient en Chine, 15% aux États-Unis, 4% en Russie, 2,2% en Malaisie et 2% en Corée du Sud. Google tente de dénicher le plus de sites Internet douteux dans le but de réduire leur présence dans son moteur de recherche, mais Niels Provost soutient que les internautes doivent aussi faire leur part pour se protéger en installant notamment sur leur ordinateur un logiciel antivirus qui dispose d'un système de mise à jour automatique. La compagnie est actuellement en train de faire évaluer les résultats de ses recherches par d'autres chercheurs, mais a tout de même publié un résumé de ses trouvailles qui peut être consulté en consultant l'article. Une page web sur 1000 serait frauduleuse sur le www.unechance.com. Un ex-employé temporaire de Google entame une imposante poursuite judiciaire contre son ancien employeur qui l'accuse de lui avoir volé plusieurs idées concernant le logiciel géographique Google Earth. Jonathan Cobb soutient qu'il est le principal créateur de Sky, un outil complémentaire de Google Earth qui permet aux utilisateurs de parcourir virtuellement l'espace grâce à des photos satellites d'étoiles et de galaxies. Cobb affirme qu'il a publié l'année dernière dans un groupe de discussion interne de Google une série de recommandations très précises pour développer Sky. En août, l'outil complémentaire a été lancé par l'entreprise, mais sans que l'employé ne soit nommé dans la liste des créateurs. Parmi les recommandations proposées par Cobb dans le groupe de discussion, mentionnons la création d'une interface similaire à celle de Google Earth pour parcourir l'espace, la possibilité d'utiliser le service avec un GPS, le suivi d'éléments spatiaux, object tracking, et la possibilité de s'abonner pour visualiser certaines images en haute définition. L'ex-employé qui a déposé sa plainte la semaine dernière à la Cour supérieure de l'État de Géorgie réclame 25 millions de dollars en dommages et intérêts à Google. Selon lui, l'entreprise a rompu son engagement de ne pas faire de mal. Vous savez, Google a le slogan « Do no evil ». Le Comité international olympique permettra aux athlètes des Jeux olympiques de Pékin de tenir un blog dans lequel ils pourront relater leur expérience à condition qu'ils suivent des conditions établies. Pour que le CIO considère une publication comme un blog, elle devra prendre la forme d'un journal personnel légitime et ne devra en aucun cas traiter de l'expérience d'autres participants des Jeux. Les photographies seront permises à condition qu'elles ne montrent pas d'événements s'étant déroulés dans le cadre des Jeux. Les athlètes devront obtenir la permission de leurs compétiteurs avant de les photographier. Les vidéos et extraits audio de tout événement tenu dans le cadre des Jeux, incluant l'action sportive, les cérémonies d'ouverture, de fermeture et de remise des médailles, ainsi que tous les événements se produisant dans une zone à accès restreint, seront formellement interdits. Les athlètes devront aussi s'abstenir de réaliser tout gain monétaire à partir de leur blog. Aucune publicité ou commandite ne devra être visible sur une page d'écran présentant du contenu des Jeux. De plus, le nom de domaine retenu pour leur blog ne devra pas contenir de référence aux Olympiques. La prochaine édition des Jeux olympiques se tiendra à Pékin du 8 au 24 août 2008. Vous êtes certainement au courant. Les internautes sont invités à télécharger près de 90 minutes de fichiers vidéo et à proposer leur création sur YouTube. Le groupe d'Athens en Géorgie, REM, lance cette initiative à l'approche du lancement de son nouvel album Accelerate, prévu pour le 1er avril. Supernatural Series, le premier simple de l'album, est accompagné d'un site web présentant une mosaïque de 12 vidéos qui totalise près de 90 minutes d'extraits de tournage. Le site web, c'est le supernaturalseries.com. Les fichiers MP4 en format HD sont mis à la disposition du public pour téléchargement. Les monteurs et créateurs pourront ainsi disposer à leur guise des fichiers et proposer leur version promotionnelle du vidéoclip. L'initiative est régie par une licence de l'Open Source Initiative, une société sans but lucratif qui encourage l'accès universel au code source pour permettre son évolution. Toutefois, comme le mentionne la licence, il ne sera pas permis de distribuer le fruit de sa création, et ce, bien que REM encourage les internautes à présenter leur œuvre sur le site de YouTube, une page créée spécifiquement pour la chanson Supernatural Series. Les internautes peuvent écouter Supernatural Series sur le site officiel du groupe, qui est au remhq.com, et visionner le clip tourné par Vincent Moon avant de proposer leur propre version. Facebook facilite finalement le processus de suppression des profils pour ses utilisateurs, mais pas question de le rendre trop facile toutefois. tel que mentionné un petit peu plus tôt pendant la semaine, il était jusqu'à maintenant très difficile. En fait, c'était à la connexion la semaine dernière qu'on en parlait. Il était jusqu'à maintenant très difficile pour les utilisateurs de Facebook de supprimer leur profil du populaire réseau social, ceux-ci étant plutôt désactivés et prêts à être réactivés en tout temps. Depuis l'apparition d'un article du New York Times sur le sujet, lundi dernier, Facebook a fait volte-face et permet maintenant la suppression totale des comptes si l'usager en fait la demande en remplissant un formulaire disponible au bas de la section d'aide du site. Selon ce qu'a confié la directrice de l'expérience des usagers et du design chez Facebook au New York Times dans un article paru le 14 février, jeudi dernier, cette politique est en place puisque de nombreux usagers réactivent leur compte après l'avoir désactivé. Pour le moment, donc, il n'est pas question de simplifier la vie des usagers en offrant un simple bouton de suppression du profil, comme il en existe déjà un pour la désactivation. Voilà, si vous voulez aller chercher le lien pour savoir comment désactiver votre compte Facebook, passez par l'article de Branchez-vous qui s'appelle « Quitter Facebook devient plus facile » sur le site de l'émission au www.unechance.com. Dans la deuxième partie du fil informatique, on va parler entre autres de eBay dans la deuxième heure de l'émission. On va aussi parler d'une vague de départ chez Microsoft. On va aussi parler de Dailymotion qui prend le virage de la haute définition. N'est-ce pas? Et puis finalement, c'est ça. Ça va être la deuxième heure de la connexion. C'est assez fou, 89.fm. Mais avant de passer à cette deuxième heure, terminons la première comme il se doit en continuant notre série en concert qu'on diffuse depuis plusieurs semaines ici à C'est Fou, ici à La Connexion. La série s'appelle Final Fantasy VII Voices of the Life Stream, an Overclocked Remix Album. Vous pouvez retrouver cette collection sur le ff7.ocremix.org. C'est 45 pièces là, qui rendent hommage à Final Fantasy VII. 4 CD, 45 pièces, ça passe d'un style musical à l'autre. Tout ça coule de façon merveilleuse. Depuis la semaine dernière, ben, on y va par CD, mais plus rapidement sans passer le CD au complet. La semaine dernière, on a entendu quelques pièces du deuxième. Cette semaine, c'est le troisième CD. On va entendre le début. Ça, c'est l'artiste Red-Tailed Fox avec Soko de Melancia, qui sera suivi de Schnaboboula avec Stone Eyes. C'est à La Connexion. À C'est Fou 89.1 FM dans vos oreilles. Same old crap, well have no fear. Ricky V. Valentine is back with his brand new triple CD box set singing ghetto classics for the aging B-boy, such as Grandmaster Flash and Melly Mel's The Message. It's like a jungle. Sometimes it makes me wonder how I keep on going under. And N.W.A. Straight out of Compton. Straight out of Compton. A crazy motherfucker named Ice Cube. From a gang called Niggas with Attitude. Also featuring Outkast, Sorry Miss Jackson. Sorry Miss Jackson. Never meant to make your daughter cry. I apologize at the same time. I'm sorry Miss Jackson. And Almighty Jay-Z's Girls, Girls, Girls. Girls, girls, girls, girls. It's girls I do adore. You put your name on this paper because I would love to date you. Holler at you when I come up tall. To purchase your copy of Ricky V. Valentine's Ghetto Classics box set for only $29.95. Yes, $29.95. Phone now. 2-555-00-2214. Or for those who are online, www.rickyvvalentine.com. Dot com. Dot com. Dot com. Dot com. Dot com. Bonjour, c'est la deuxième heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je me nomme Mathieu Plante et pendant encore 60 minutes, on va parler des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus dans l'émission la plus rapide au monde. Dans quelques minutes, ça va être la suite du fil informatique. On va parler entre autres de vente de mécontentement des vendeurs sur eBay. On va aussi parler d'une vague de départ chez Microsoft et de DVD John qui veut simplifier la vie des internautes. Tout ça et plus tard, mais avant, on continue notre série en concert. Final Fantasy VII, Voices of the Livestream. On est rendu à la deuxième pièce du CD numéro 3 de cette très jolie collection. C'est Stone Eyes, la pièce, de l'artiste Shnabubula. C'est basé sur The Great Warrior de Final Fantasy VII. Et juste après, ben, on continuera avec la dernière pièce du troisième CD, qui est Frozen Landscape de Tweak. Vous êtes à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Au 89 FM dans vos oreilles. Bubula avec Stone Eyes, la deuxième pièce du troisième CD de la collection Final Fantasy VII Voices of the Livestream, an Overclock Remix Album. On va laisser continuer la pièce derrière moi et plus tard on entendra Frozen Landscape de Tweak jouer aussi. Mais maintenant parlons un petit peu d'informatique avec la deuxième partie de notre fil informatique cette semaine à la connexion à C'est fou 89.1 FM. C'est tous les détails que vous devez savoir. À compter de cette semaine, de nouveaux règlements entrent en vigueur pour ceux et celles qui veulent vendre des choses sur eBay. D'une part, les vendeurs devront se soumettre à une nouvelle grille de tarifs où les prix sont revus parfois à la hausse, parfois à la baisse. Et d'autre part, ils ne pourront plus laisser de commentaires négatifs ou même neutres sur les gens qui ont acheté leurs produits. Donc, résultat, ces deux mesures ont provoqué une espèce de mini-révolte de la part des vendeurs à tel point qu'une campagne de boycottage est en cours depuis le début de la semaine. Elle va prendre fin lundi prochain et là, l'article date du 20. Donc, on parle bien de lundi prochain si vous écoutez en direct le jeudi. Il est possible qu'on retrouve un peu moins d'articles en vente ces jours-ci à cause de ça. Les ajustements tarifaires s'expliquent par un ralentissement des ventes en dépit du fait que la compagnie affiche toujours une progression de son chiffre d'affaires trimestre après, après trimestre. Cela dit, au cours des 5 dernières années, l'action en bourse de eBay a varié de 20 à 58 $. Ces jours-ci, elle vaut autour de 27 $. L'autre changement s'explique par le fait que certains vendeurs exerçaient une certaine vengeance à l'encontre des acheteurs qui écrivaient de mauvaises choses à leur sujet. Plusieurs acheteurs hésitaient donc à laisser des commentaires honnêtes sur les vendeurs. Certains ont même cessé de faire des achats sur le site en raison justement des commentaires des vendeurs. Les responsables du site avaient prévu une telle réaction de la part des vendeurs. José Malabo, porte-parole de l'entreprise, dit que ce n'est pas la première fois que des changements de règlement provoquent un mécontentement. La compagnie estime qu'à long terme, ces nouveaux règlements, combinés à sa nouvelle grille de tarifs, ne pourront qu'être bénéfiques pour l'entreprise. Plusieurs membres de la haute direction de Microsoft ont quitté le navire le 14 février dernier, jeudi dernier. La compagnie a annoncé le départ de certains hauts dirigeants, dont Steve Berkowitz, le responsable des activités commerciales sur les sites web de l'entreprise et celui qui avait la responsabilité de la mise en marché de Windows Vista, considéré par plusieurs comme étant un échec. Curieusement, ces départs surviennent quelques jours seulement après une offre d'achat non sollicitée de la part de Microsoft sur Yahoo, offre qui a été rejetée par Yahoo parce qu'elle n'a pas été jugée suffisamment généreuse. Plusieurs analystes estiment que ces départs annoncent de grands chambardements chez Microsoft et si l'achat de Yahoo se réalise un jour, d'autres prévoient un grand ménage, cette fois beaucoup plus important. Cela dit, un porte-parole de Microsoft a affirmé que ces départs n'ont aucun lien avec le dossier de Yahoo. D'ailleurs, aucune information officielle n'a filtré sur l'état du dossier en date du 15 février. On sait simplement que Yahoo a refusé l'offre. Quant à Microsoft, la compagnie a tout simplement déclaré qu'à son avis, une offre de 31$ par action, ce qui vaut environ 44 milliards, était juste et raisonnable. Entre-temps, toutes sortes de rumeurs ont fusé ici et là. Certains parlaient d'un éventuel mariage entre Yahoo et Google. D'autres ont plutôt évoqué la possibilité que Yahoo s'associe à News Corp, un conglomérat bien connu dans le monde des communications. À ce sujet, d'ailleurs, dit l'article, des détails assez précis ont filtré. Tous les sites Internet de l'entreprise, incluant MySpace, passeraient à Yahoo et en échange, News Corp se retrouverait avec 20% des actions de Yahoo, ce qui en ferait l'un des principaux actionnaires. La fusion des deux entreprises créerait un super géant du web avec 150 milliards de pages web visualisées tous les mois. En réalité, ce dossier risque de faire la manchette pendant des semaines, sinon des mois. Si Microsoft hausse la valeur de son offre et si Yahoo l'accepte, il n'est pas dit que les organismes réglementaires américains vont accepter la fusion. Et du côté européen, c'est encore moins sûr, dit l'article de Canoë. On vous tiendra au courant pendant les semaines à venir des développements de cette histoire. Le Robin des Bois du monde numérique David John, de son vrai nom John Lech Johansson, revient à l'avant-scène de l'actualité avec un tout nouveau logiciel que son entreprise vient de mettre en ligne. Son entreprise s'appelle Double Twist. Il sort un logiciel éponyme pour simplifier la vie des consommateurs. Avec le nouveau logiciel gratuit de DVD John, il est maintenant possible de transférer n'importe quel type de fichier numérique, audio ou vidéo, sur une multitude d'appareils de divertissement. Le logiciel sert de passerelle entre les fichiers, pour les rendre compatibles aux divers appareils électroniques comme les baladeurs ou les cellulaires. Une fois un appareil mobile relié à un ordinateur qui héberge le logiciel Double Twist, l'ordinateur est capable de reconnaître le format utilisé par l'appareil de divertissement et de lui servir des fichiers dans le format qui lui convient. Pour le moment, le logiciel Double Twist est disponible uniquement pour l'environnement XP et Vista, mais DVD-John promet une version Mac bientôt. Pour ce qui est des appareils de divertissement, le logiciel peut servir de pont entre les ordinateurs et les appareils de la gamme N-Series de téléphones Nokia, les cellulaires Walkman et Cybershot de Sony Ericsson, la console PSP de Sony, le Kindle d'Amazon et les téléphones ou organisateurs de poche qui utilisent le système Windows Mobile. Tout un symbole alors que Toshiba annonçait l'abandon du format HD-DVD, on en parlait un petit peu plus tôt, laissant le champ libre au Blu-ray de Sony. C'est Dailymotion, pionnier des sites d'hébergement et de partage de fichiers vidéo sur Internet, qui annonce son arrivée dans le petit monde de la haute définition, la HD-Def. Une définition qui reste néanmoins inférieure à celle des DVD, mais effectivement meilleure que celle habituellement présente sur la plateforme. Et je cite, « Dailymotion est le premier site de partage vidéo en ligne à s'aventurer sur le terrain de la HD-Def. Le nouveau lecteur vidéo intègre le format HD tout en conservant l'ensemble des fonctionnalités de partage, d'intégration et de navigation appréciées par bien des utilisateurs. Gratuit pour les visiteurs du site, ces premiers flux HD ne pourront par contre être envoyés vers le service que par les membres du programme Motion Maker et des partenaires de contenu professionnel de Dailymotion, des partenaires également sollicités par son grand rival YouTube, qui appartient à Google, qui met également un point final à sa version HD destinée à être lancée dans les prochaines semaines. » Évidemment, le contenu HD pourra être publié que par les membres du programme, mais ils vont pouvoir être vus par n'importe qui. Voilà qui fait le tour donc pour les nouvelles informatiques. Regardons les mots-clés qui ont été les plus recherchés la semaine dernière sur la toile du Québec. On parle en cinquième place de YouTube et ça monte en quatrième et le reste est tout à fait stable. Quatrième, l'Auto-Québec. Troisième, les PAC. Deuxième, Hotmail. Et le numéro un, c'est Horoscope. Voici Gatineau et Rap Maudit à la collection. C'est Fou 89.1. Mais quand je me penche sur elle, la feuille reste blanche. Ma drain de tranche brille à mon boulevard étanche. Pour que le public, ben que je monte à saigner pour le poème. Oh, it's a late scene. Vito dans le fond de la forme comme il faut. Ça sent que mes sonnets sonnent. Finalement faux, je l'embrassis. Parler de syndicale, c'est toute la longueur de mes lignes horizontales. Mais la seule pause qui se pose pour poser aussi brutal. Je laisse ça sortir, je le retiens-tu le flow. Je m'en joue sérieux. Ou carnaval. J'ai du libre court au mot qui est dans mon âme. Des balles. Faites la lit la littérature. Qu'elle déborde de bord en bord jusqu'à bordure. La marmite des mots illicites, c'est le même qu'on essaie de des silences tacites. Des va-viens là d'envergure, au fur et à mesure j'essuie la suite sur ma figure. Enfin l'en peu de jus qui s'agite, que par ma flamme l'endemnée que la flamme elle ressuscite. J'ai le pouvoir, me voir dans le miroir, dans le trou noir, dans le blanc des yeux, déjà présent dans l'auditoire. Écris mon histoire, ramène mon écritoire avec mon répertoire et la balade des vieux grimoires. Écris au singulier, mec, pas contre chaque parcelle. C'est pour le public une partie de l'universel. Leur expérience respective à mon échelle. Qu'est-ce que ça soit, c'est beau, MC Baruteo. J'attends le poème signifiant. Certifié à mon talent, tout en me sanctifiant. J'aimerais mon âme à mes fils, tout en défiant. Ta mode demande de faire écrire des textes édifiants. Mais l'écriture donne pour moi une source d'angoisse. Qui tendit des textes en terre que je laisse en ardoise. Comme des poèmes disparaissent des feuilles que je croise. Je m'en pardon pour fixer le forêt pour mon déboise. Je l'excite, moi d'assister, mes vestis. Mes textes excités, l'université. Puis qu'on en comprenne enfin toute la densité. Mais pourquoi je chante avec tant d'intensité? Latino et rap maudit à la connexion. Avant de se quitter pour une pub, voici notre quiz musical de la semaine. Nommez ce jeu qui joue derrière moi. C'est facile. La réponse au retour de la pause à la connexion. À C'est Fou 89.1 FM, l'émission la plus rapide au monde dans vos oreilles. Je vous ai demandé de nommer le jeu qui joue derrière moi. C'est très facile, mais encore quelques secondes pour y penser. Ok, c'est peut-être facile juste pour ceux qui ont joué, mais quand même. C'est Luigi's Mansion sur la Nintendo GameCube. Excellent jeu. Bonjour, c'est la dernière demi-heure de La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Oui, j'ai adoré Luigi's Mansion. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, mais moi, j'ai vraiment capoté sur ce jeu-là. C'est génial. Dans cette dernière demi-heure, on va parler un petit peu de jeux vidéo. On va regarder un petit peu ce qui s'en vient sur vos écrans et périphériques de diffusion. Et aussi un petit blog sur le jeu d'essai. On va essayer de compresser tout ça dans un gros bloc d'informations. Mais tout de suite, voici Yoav avec Club Thing de son album Charmed and Strange. C'est une nouvelle entrée sur les palmarès anglophones de C'est Fou depuis à peine quelques jours. On aime beaucoup Yoav à C'est Fou. Never gonna get to sleep. Well, some people claim, but I know the deepest, darkest place to go. You never get out once they let you in. You never get out once they let you in. You'll be nothing but a club thing. One thing's for certain, that if you get behind the velvet curtain, you'll see that nothing's as sweet as it looks on my TV. You need a cold solar concrete, yeah. And you gotta feel without pity. You need a cold solar concrete, yeah. Just like the soul of the city. Just from the corner, he waits for her to stumble. He knows that he's the king of the cardboard jungle. He knows he can't afford what it pays to enslave her. Well, he's got a hunger for the sweetest of fever. Club Thing. Such a beautiful girl. de l'album Charmed and Strange à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, c'est l'heure de parler de jeux vidéo un peu. Donc, les nouvelles vidéoludiques de la semaine. Un retour sur une nouvelle dont on a parlé la semaine dernière, oui. La PC Gaming Alliance, organisation sans but lucratif, a été fondée finalement par Acer, Activision et AMD, Dell, Epic Games, Intel, Microsoft et Nvidia. Son objectif, est de promouvoir le jeu sur PC et de faciliter les échanges d'informations concernant cette plateforme. Donc voilà, c'est créé la PC Gaming Alliance. Si vous voulez plus d'informations, allez voir le PCGamingAlliance.org. Voilà. Selon Variety, plusieurs acteurs viennent être engagés pour participer au tournage du film Street Fighter The Legend of Chun-Li, un film sur le jeu de combat de Capcom. On savait déjà que Kristen Crook de Smallville allait incarner Chun-Li. On apprend cette semaine que Michael Clark Duncan, qu'on a vu dans Daredevil, The Green Mile et Sin City, incarnera Balrog. Chris Klein de American Pie va jouer le rôle de Chris Nash. Puis Rick Yoon de Die Another Day et The Fast and the Furious, ainsi que Moon Bloodgood de Journeyman et 8 Below, et Taboo de Black Eyed Peas vont aussi avoir des rôles dans ce film-là. Street Fighter The Legend of Chun-Li est réalisé par Andrzej Barkowiak, le même qui a travaillé sur le film Doom. Il sera en salle quelque part en 2009. Désolé pour les mauvaises prononciations de noms. Le 15 février se tenait la seconde édition des Elan Awards, récompense canadienne pour l'électronique et l'animation. L'occasion pour Assassin's Creed de recevoir la récompense de la meilleure bande originale dans un jeu vidéo. Les autres nommés étaient Mass Effect, Company of Heroes et Warhammer 40,000 Dawn of War. Vous voulez aller voir le site des Elan Awards, allez voir theelans.com, theelans.com, E-L-A-N-S. Uwe Boll, encore dans le domaine du cinéma, là. Uwe Boll est prêt à accoucher de son prochain monument du cinéma vidéoludique et commence donc par perdre les os en livrant sur le net la première bande-annonce de l'adaptation de Far Cry, selon jeuxvideo.com. Attention, ça pique un peu les yeux, dit l'article, et surtout, le film semble ne pas avoir grand-chose à voir avec le jeu, en dehors du fait que Jack Carver possède un bateau. En avant donc pour la bande-annonce avec des morceaux de conspiration du gouvernement, de super soldats incontrôlables et de jolies brunes dedans, sans oublier des phrases déjà cultes comme « You're making brainless monsters », vous fabriquez des monstres sans cervelle. Si vous voulez aller la voir, c'est dans l'article qui s'appelle « La bande-annonce du film Far Cry », c'est sur lunechance.com, le site officiel de la connexion, comme s'il pouvait y avoir des sites non officiels de la connexion. Donc c'est le www.unechance.com. Tel qu'annoncé dans le quotidien Le Soleil le 14 février, jeudi dernier, deux entreprises de Québec œuvrant dans l'industrie du jeu vidéo combineront leurs forces. Freema Studio, qui se spécialise dans les jeux interactifs sur le web et les petits jeux massivement multijoueurs, Freema Studio, acquiert donc Umagade, un studio qui développe surtout des jeux vidéo pour les cellulaires et sur Nintendo DS. Puisque le gouvernement intervient partout au Québec, dit l'article de JXP.ca, il n'est pas surprenant d'apprendre que le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation et ministre du Tourisme, M. Raymond Bachan, a profité de l'occasion pour annoncer une contribution financière sous forme de garantie de prêt de 1 million de dollars d'Investissement Québec. Cette annonce permettra, semble-t-il, de garder 135 emplois, 90 chez Freema et 45 chez Umagade, et d'en créer 150 autres d'ici 3 ans. Nouvelle étape pour World of Warcraft. Blizzard va lancer son MMORPG rouleau compresseur dans l'arène du sport électronique, dit jeuxvideo.com. À partir du mois d'avril, des équipes de trois joueurs, s'affronteront sur des serveurs spéciaux où ils pourront créer directement des personnages de niveau 70 équipés d'items épiques. Au cours des semaines suivantes, les tournois détermineront les vainqueurs au niveau régional puis global, avec à la clé un total de plus de 200 000 $ de prix à remporter. L'inscription est de 15 euros par joueur. Allez voir le wow-europe.com si ça vous intéresse de participer. J'ai aucune idée si ça fonctionne au Canada, malheureusement. Vous connaissez peut-être déjà le XNA, le kit de développement fourni gracieusement aux amateurs de Microsoft. Au cours de sa conférence au Game Developers Conference, la firme de Redmond vient d'annoncer la mise en place du Xbox Live Community Games, un service qui va permettre aux game designers en herbe de partager leurs créations réalisées à partir du XNA. Chacun pourra ainsi proposer ses jeux et les voir jouer par d'autres, à condition de passer une étape de validation nécessaire pour filtrer le contenu, évidemment. Pour illustrer les possibilités du XNA, donc, il y a des images de 7 jeux créés par des amateurs que Microsoft va mettre à disposition en téléchargement sur le Marketplace. Allez voir ces images dans l'article qui s'appelle « GDC08 et Microsoft annonce le Xbox Live Community Games » sur lunechance.com. Il y a des images de jeux tels que Jelly Car, Little Gamers, The Dishwasher, Dead Samurai et Trial Linea. C'est très, très joli à voir. Voilà qui fait le tour pour les nouvelles de jeux vidéo cette semaine. Regardons le palmarès des locations au Superclub Vidéotron la semaine dernière. En cinquième, c'est Devil May Cry 4 sur la PS3. En quatrième, c'est Burnout Paradise sur la Xbox 360. En troisième, c'est Call of Duty 4 Modern Warfare sur la Xbox 360. En deuxième, Turok sur la 360. Et en première position, eh bien, le jeu le plus loué au Superclub Vidéotron, c'est Devil May Cry 4 sur Xbox 360. Oh oui, voici maintenant la chronique bientôt sur vos écrans. Les jeux qui s'en viennent en magasin, sur vos écrans, sur vos périphériques de diffusion d'images, vos moniteurs d'ordinateur, tout ce que vous voulez. On commence par une semaine qui n'est vraiment pas majeure selon hardgamers.com. Nouveauté sur les multiplateformes, des jeux qui sortent sur plusieurs consoles en même temps. Sur DS, PS3 et Xbox 360, on retrouve FIFA Street 3. Sur PC, PS3 et Xbox 360, il y a The Club. Et finalement, il y a Dynasty Warriors 6 sur la PS3 et la 360. Sur DS, on retrouve Apollo Justice Ace Attorney de Capcom. Sur PC, The Guild Universe et puis HEM3 de God Game Entertainment. Sur PlayStation 3, on retrouve History Channel Battle for the Pacific de Activision. Sur PSP, le seul et unique jeu, c'est Need for Speed Pro Street de Electronic Arts. Et finalement, sur la Nintendo Wii, on retrouve Pimp My Ride de Activision, MX vs. ATV Untamed de THQ et Dragon Quest Swords, The Masked Queen, The Tower of Mirrors ou DQS TMQ ATTOM de Square Enix. Voilà, ça c'est les nouveautés en magasin cette semaine. Maintenant, sur la console virtuelle de Nintendo, semaine assez intéressante. Deux autres classiques sont offerts. Les amateurs de jeux de rôle pourront se tourner vers Phantasy Star 2, tandis que ceux qui aiment les jeux d'action plutôt difficiles, selon rgamers.com, seront comblés avec Ninja Gaiden 3, The Ancient Ship of Doom. Phantasy Star 2 qui permet de prendre le contrôle de plusieurs personnages où on explore le système solaire de Algol afin d'y combattre la Dark Force. Et dans Ninja Gaiden 3, vous aurez l'occasion de reprendre le contrôle du ninja Ryu Hashabusha, alors que ce dernier doit prouver son innocence après avoir été faussement accusé du meurtre de l'agent du FBI Irene Liu. Avec l'arrivée de Rock Band, il est tout à fait normal que Activision ait pensé à une nouvelle façon de révolutionner les jeux de musique. Donc, cette révolution pourrait très bien porter le nom de DJ Hero, suite logique à ce qui se fait déjà sur le marché des jeux vidéo. Activision Publishing a ainsi déposé le nom DJ Hero au bureau des brevets américains le 8 février dernier. Selon le document déposé par Activision, le nom DJ Hero s'applique à un logiciel et manuel d'instruction vendu ensemble en une unité, des programmes de jeux vidéo interactifs, des logiciels téléchargeables à utiliser avec des jeux vidéo, des manettes de jeux vidéo, un jeu vidéo compris en un CD ou DVD vendu en une unité avec une manette de jeu. Ça, c'est le brevet qu'ils ont déposé. C'est beau, hein? Il ne serait pas étonnant de voir Activision développer un jeu simulant le métier de disc jockey. En effet, après avoir incarné un guitariste dans Guitar Hero, puis tous les membres d'un groupe dans Rock Band, que reste-t-il à personnifier sinon un bon DJ? Il pourrait y en avoir aussi pour les animateurs de radio, ça pourrait aider quelques personnes. Dont moi. Il y a longtemps que nous n'avons pas eu de nouvelles au sujet du troisième opus de la franchise Banjo-Kazooie. Oui, j'en ai entendu parler récemment, un de mes amis qui me demandait « Mais qu'est-ce qui se passe avec Banjo-Kazooie? » C'est vrai. Donc, réjouissez-vous, fans de l'ours Banjo et de l'oiseau Kazooie, puisque Rare a mis à jour son site officiel avec quelques détails intéressants sur ce jeu. Selon Rare, Banjo-Kazooie 3 ne serait pas un jeu de plateforme conventionnelle. En fait, dans le plus grand mystère, Rare a affirmé que Banjo-Kazooie 3 sera une nouvelle tentative dans ce genre de jeu. Et sans prétendre vouloir révolutionner le genre, Rare espère tout de même offrir quelque chose de tout nouveau. Un mode multijoueur va être offert au sein du jeu et sera tout à fait original. Rare stipule que rien de comparable à la portion multijoueur de Banjo-Kazooie 3 n'a été fait jusqu'à présent dans un jeu vidéo. C'est quand même une grosse marche, là. Ils se mettent beaucoup d'attentes sur les épaules. Spiral Mountain sera une fois de plus le terrain d'introduction de Banjo-Kazooie 3, à l'instar des deux premiers opus de la franchise. Néanmoins, plusieurs nouveautés seront présentées sur ce terrain afin de le différencier des volets de la série parus sur Nintendo 64. Plusieurs nouveaux personnages seront bien sûr introduits au sein de ce nouveau jeu. Cependant, vous y retrouverez de nombreuses figures des deux premiers opus, à commencer par le magicien Mumbo, le bonhomme de neige de Freezeasy Peak, le robot métallique Clanker, la taupe Battles, Logo et Umba seront aussi de retour au plus grand plaisir des fans. Banjo-Kazooie 3 devrait être lancé l'hiver prochain sur Xbox 360 si bien sûr Rare ne retarde pas la sortie du jeu. L'article vient de hardgamers.com. On revient à Guitar Hero, pas tellement dans l'ordre, mais quand même, ça étonnera personne, mais Activision a annoncé son intention de produire une édition spéciale de Guitar Hero autour du groupe Aerosmith. Afin de célébrer leur association avec le légendaire groupe, Activision offrira gratuitement la pièce Dream On en téléchargement en fin de semaine sur le Xbox Live Marketplace et le PlayStation Store. Donc c'est déjà fait, l'article date de vendredi dernier. Bien que le communiqué ne précise pas s'il s'agit d'une expansion au même titre que Guitar Hero Encore Rock the 80s ou encore une édition spéciale avec des accessoires exclusifs, tout porte à croire que le jeu sera offert séparément. En développement sur Xbox 360, PS3, Wii et PS2, le jeu sera offert à compter du mois de juin. Tous les membres du band, Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton et Joey Kramer, seront intégrés dans le jeu. Le groupe est d'avis que les jeux vidéo permettent de rejoindre de nouveaux publics. Donc, si vous connaissez le groupe, y a-t-il des pièces en particulier d'Aerosmith que vous aimeriez retrouver dans cette compilation? Certainement qu'elles y seront tous, si toutes, si vous les connaissez. Hein? Ça va sûrement pas être des pièces obscures. Hein? On peut s'entendre là-dessus. Peut-être quelques-unes. On espère. Le créateur American Maggie, qui nous a offert dans le passé un jeu vidéo inspiré d'une version psychédélique du monde d'Alice au Pays des Merveilles, nous proposera dès cet été un jeu vidéo inspiré des contes des frères Grimm, Cendrillon, Hansel et Gretel, Blanche-Neige et Rapunzel n'ont qu'à bien se tenir. Donc American Maggie's Grimm qui a été dévoilé. American Maggie qui a débuté chez id Software, où il a dessiné quelques niveaux de Doom 2, Quake et Quake 2. Donc voilà, chaque épisode pourra être. Il va y avoir 24 épisodes d'American Maggie's Grimm à raison d'un par semaine à compter du mois de juillet. Chaque épisode pourra être complété en dedans de 30 minutes et comportera deux versions d'un même monde, une joyeuse et l'autre sinistre. Intéressant comme idée. Les premières images du jeu montrent le style visuel privilégié par l'auteur. Allez les voir, ces photos, dans l'article qui s'appelle American Maggie's Grimm dévoilé sur le www.unechance.com. Ensuite, c'est la photo de l'emballage français dit vrai. La Wii Balance Board, prévue pour la version française de Wii Fit, pourra accueillir des joueurs ou des joueuses pesant jusqu'à 150 kg, un poids légèrement réévalué depuis la version japonaise qui affichait une limite de 136 kg sur le paquet en forme de valise. À croire que Nintendo s'est préoccupé du public occidental le temps de localiser son jeu de remise en forme. Pour ceux qui l'auraient oublié, Wii Fit est annoncé pour le 25 avril en Europe, c'est ce que dit l'article, c'est pas important pour vous, mais quand même. Donc, il y a des images de l'emballage dans l'article Wii Fit adapté pour un public un petit peu plus lourd. On peut s'imaginer que ça va être la même chose aux États-Unis et au Canada, en Amérique. Voilà, et puis finalement, je vous ai laissé un petit article sur unechance.com qui parle d'un genre de nouveau style Mario Paint, hein, qui a l'air vraiment intéressant. C'est Fatbits Pocket Painter. Je vais vous laisser aller voir sur le site pour plus d'informations. Ça a été annoncé au Game Developers Conference. Justement, parlant de Game Developers Conference, je crois que ça va être l'heure d'en parler. On va essayer de faire ça dans le moins de temps possible à l'émission la plus rapide au monde. Voici Tricot Machine. J'avais un trou dans le pouce et j'étais carotté. Je me suis retrouvé dans ce lodge, la gratte venait de passer. Tu comptais sur 5 doigts et tu étais gauché. Tu es tombé d'une poche sur le trottoir glacé. J'ai failli me noyer, pour te faire écraser. Mais des passants dévoués nous ont accrochés. Moi sur un parcomètre, expiré mais quand même. Pour toi, souffle plus dur. Sur un pic de clôture. C'est juste une petite rengaine, plus ou moins réussie. Une histoire de mitaine, plutôt mal assortie. Une histoire comme je les aime, toutes effilachées. Avec un happy end qui vient tout rattraper. Je faisais des tatas de bord en bord de la rue. Tu faisais ton tarla comme si t'avais rien vu. Une main m'a ramassé en fin d'après-midi. Poursuivant son chemin, elle t'a pris toi aussi. Tout mouillé en tapant dans un sac d'épicerie. Plein de contre-cuir, tu m'offres une souris. J'ai vu que t'étais pas con. Vu que j'étais droitière, on a séché ensemble sur le calorifère. Une histoire de mitaine, plutôt mal assortie. Une histoire comme je les aime, toute effilochée. Avec un happy end qui vient tout rattraper. Je sais que c'est qu'éterne, mais c'est l'histoire qui me vient. Il va quand on se promène, tu me tiens par la main. Tricot Machine et une histoire de mitaine de leur album éponyme ici à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. À CFOU 89.1 FM, oui, La Connexion. Connexion. www.unechance.com pour les liens d'émission d'aujourd'hui. Et là, on parle un petit peu du Game Developers Conference dans le bloc à thème. Vous savez, on aime faire un bloc à thème quand il y a un thème qui nous intéresse. Et cette semaine, ben c'est bien ça. La Game Developers Conference 2008, donc, à San Francisco. Et ça a commencé par une énumération de chiffres peu passionnants de la part de Microsoft. Ils ont aussi levé le voile sur Xbox Live Community Games. On en parlait tantôt. Il y a que quelques jours de passer à l'intérieur du Game Developers Conference en ce moment même. Donc, on va avoir plus de nouvelles la semaine prochaine. Game Developers Conference qui se passe du 18 au 22 février à San Francisco. Et en direct en ce moment même, nous sommes le 21. Donc, il reste aujourd'hui et demain de nouvelles à récolter pour l'émission de la semaine prochaine. Donc, on est en train de parler de Microsoft. Tiens, Epic a montré son moteur 3D. Tim Sweeney, le fondateur de Epic Games, est venu sur scène pour faire monter la sauce. Ils ont présenté la toute dernière version de l'Unreal Engine 3. Ils ont fait aussi la démonstration des nouvelles prouesses du moteur avec force, effet de lumière, un rendu de l'eau encore meilleur, etc. Dans une vidéo que jeuxvideo.com appelle impressionnante, une horde de locustes traverse une cité en ruine. Après quoi, Tomonobu Itagaki est venu faire un niveau jusqu'ici inédit de Ninja Gaiden 2 qui va sortir en exclusivité sur la 360 le 3 juin aux États-Unis. Pour en savoir plus sur le jeu lui-même, allez voir l'aperçu de jeuxvideo.com. Peter Molyneux est également venu sur scène pour faire une démonstration de son Fable 2. Mais le clou du spectacle, selon l'article, c'est l'annonce de Gears of War 2. Cliff Bleszinski, game designer chez Epic Games, est venu mettre un terme à l'attente insoutenable en diffusant un teaser, un agace de Gears of War 2. À la fin, il a lâché une date de sortie, novembre 2008, seulement sur Xbox 360. Donc, c'est dit. Certains s'en doutaient depuis quelques semaines, mais quand même, Gears of War aura bel et bien droit à une suite. Après quoi, le rideau est tombé et malgré quelques moments forts, cette conférence a donc été globalement décevante et assez chiche en annonce, dit jeuxvideo.com. On remarquera aussi l'absence totale du jeu PC, alors même que Microsoft a rejoint la toute fraîche PC Gaming Alliance. Donc on aura des nouvelles beaucoup plus intéressantes, peut-être, pendant l'émission de la semaine prochaine. Au cours de l'entretien lors du Game Developers Conference, le site Shack News a appris de la part du studio Running with Scissors que le troisième opus de la série Postal est prévu pour le second quart de l'an prochain sur 360 et PC. Depuis, le studio pense fortement à porter le jeu sur PlayStation 3 après sa parution sur la console de Microsoft ainsi que sur PC. Postal 3, qui sera le premier opus de cette franchise à apparaître sur une console, se différenciera de ses prédécesseurs en ce sens qu'il proposera une vue à la troisième personne. On devrait y retrouver l'humour controversé ainsi que la violence explicite des deux premiers volets. Aussi dans le cadre de la GDC qui se tient à San Francisco cette semaine, Nintendo a annoncé que Wii Fit sera lancé le 19 mai prochain en Amérique du Nord. C'est un jeu de remise en forme. Hein? Selon le président de Nintendo of America, Wii Fit coûtera moins de 100$. Rappelons que le jeu viendra avec le Wii Balance Board, un périphérique qui tiendra compte de votre poids, de votre équilibre et de vos mouvements. Nintendo a aussi confirmé que le service WiiWare sera en ligne le 12 mai. Similaire à Xbox Live Arcade, il permettra de distribuer de petits jeux créés par des développeurs indépendants. Un des premiers jeux qui sera offert sera Final Fantasy Crystal Chronicles My Life as a King, un titre de Square Enix. Il faut s'attendre à avoir plus de détails à propos de WiiWare dans les prochaines semaines. Combien coûtera le jeu? Est-ce que Nintendo prépare des jeux à l'interne pour ce service? Comme elle l'a fait avec le 3 et le Tokyo Game Show, Microsoft vous permet de suivre la Game Developers Conference dans le confort de votre salon. Il vous reste que quelques temps pour le faire. Les quelques 10 millions de membres de Xbox Live pourront notamment visionner le discours de John Shepard, vice-président chez Microsoft. Microsoft promet évidemment des vidéos, des images, des entrevues et surtout des démos. L'événement GDC Bringing It Home se déroule du 18 au 22 février sur Xbox Live Marketplace. Discrètement annoncé au dernier QuakeCon et quasiment absent de l'actualité depuis, Quake Zero profite de la GDC pour changer de nom. Ça s'appelle maintenant Quake Live et il se montre pour la première fois en image dans l'article. À ce niveau, pas de surprise, dit GameCult.com, cette version purement web de Quake 3 Arena reprend à la fois le style graphique et les modèles de l'original et on n'est donc pas très étonné d'apercevoir Crash et Visor vadrouillant sur des niveaux ornés de textures déjà vues par le passé. Allez voir l'article ou encore le site officiel sur le QuakeLive.com. Il sera bientôt possible pour les amateurs de jeux vidéo de se servir de leur pensée pour contrôler virtuellement leurs actions, selon la BBC. La compagnie américano-australienne Emotive présentera d'ici la fin de l'année un casque sans fil qui détecte l'activité électronique du cerveau afin de transmettre des informations à un ordinateur. Le Epoch permet à ses utilisateurs de manipuler intuitivement et naturellement des objets dans un jeu vidéo ou tout autre environnement virtuel. Avec l'appareil, les utilisateurs pourront déplacer des objets virtuels dans trois dimensions ou les tourner sur eux-mêmes. En plus de déplacer virtuellement des objets, le Epoch peut également servir à donner des émotions aux personnages dans les jeux vidéo, soutient la présidente d'Emotive. L'appareil détecte plus d'une trentaine d'émotions et d'expressions du visage, comme le sourire, le rire ou le lever des sourcils avec étonnement. Selon la présidente d'Emotive, le Epoch est le premier casque pour contrôler avec la pensée un jeu vidéo qui ne nécessite pas l'aide d'un technicien pour l'installer et qui ne coûte pas des dizaines de milliers de dollars. Lorsqu'il sera disponible, l'appareil devrait plutôt se vendre aux alentours de 300 $. Oui, ça n'a rien à voir avec le jeu d'essai, mais que voulez-vous, ça arrive. Là, qui fait le tour pour les nouvelles de la Game Developers Conference. J'aurais pu dire ça juste avant cette nouvelle-là et ça aurait été parfait. J'ai posté sur lunechance.com un résumé de la première journée en vidéo. Hein, et on suivra les autres journées dans l'émission de la semaine prochaine. Voici le top des ventes de consoles aux États-Unis pour janvier 2008. On parle en 6e de la PSP, en 5e la Xbox 360, en 4e Nintendo DS, en 3e la PlayStation 2, en 2e la PlayStation 3. Oui, la PlayStation 3 qui vend plus que la 2, c'est bien. Et en première place, c'est la Nintendo Wii. Ça, c'est pour le mois de janvier 2008. Alors que pour les jeux, aussi en janvier 2008, on retrouve en 5e Guitar Hero 3 Legends of Rock sur la 360, en 4e Rock Band sur la 360, en 3e Guitar Hero 3 Legends of Rock sur la Wii, en 2e Wii Play sur la Wii, et en première place, c'est Call of Duty 4 Modern Warfare. Et maintenant, ben, on a juste assez de temps pour faire un petit tour du net. Petit tour de ce qui s'est passé cette semaine sur les nombreux internets de ce monde. On commence par Blurry People, qui est un projet de Kyung Park. Dans le fond, ils dessinent les gens qu'ils rencontrent dans un métro à Séoul, soit directement là, sur le moment, là, on the spot, ou encore plus tard dans la journée avec sa mémoire. Ça a commencé il y a quand même longtemps, mais récemment, c'est devenu un blog. Et c'est très, très intéressant de voir les gens qui circulent à Séoul aller voir le site web qui est le blurrypeople.blogspot.com ou passer par lunechance.com pour aller voir le lien, le récolter. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. C'est Blurry People. Ensuite, le manuel d'instruction de la Nintendo Wii au Japon est plutôt bizarre. Il y a des drôles de dessins. Une fille qui frappe, en tout cas, quelqu'un dans la face qui porte des lunettes. Et donc, le site web de WiiBlurb.com essaie de traduire, d'interpréter le manuel de la Wii. Celui-là, par exemple, cet exemple-là, c'est « Ne frappez pas vos amis d'en face avec votre télécommande. Vous devriez plutôt utiliser le nunchuck. » Hein? Non, c'est juste drôle. Donc, allez voir ça, c'est sur lunechance.com. WiiBlurb, the Japanese Wii Safety Manual Interpreted. Ensuite, de la part de VGCats.com, c'est une bande dessinée sans Kirby différent. Hein? VGCats qui a pris le soin de mettre Kirby au numéro 1 et ensuite de le déguiser en Mario, Princesse, Bowser, tout plein de personnages, Pikachu. Ça n'en finit plus jusqu'à ce qu'il y en ait 100. Et c'est très très beau, c'est Kirby sous différentes façons de l'interpréter. Sur YouTube, on parle d'un jeu qui s'appelle Fun, P-H-U-N. C'est absolument génial. Vous pouvez dessiner des formes et c'est physique. Donc, si vous dessinez une forme plus haut, elle va tomber. Si vous la dessinez croche, elle va chavirer sur le côté. Vous pouvez même transformer vos formes en eau. Et ça devient, c'est vraiment des heures et des heures de plaisir. Sérieusement, je pourrais en parler pendant des heures, mais on est à la radio. Il faut aller voir le site. J'ai posté un lien vers une vidéo YouTube. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le lien pour aller télécharger le logiciel et vous en servir vous-même. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Plus rapidement, le File Destructor 2.0. Si vous voulez envoyer un fichier à quelqu'un, vous avez un travail à remettre, quelqu'un vous a demandé d'écrire quelque chose pour eux, vous prenez, ça vous fait un faux fichier qui a l'air corrompu. Donc la personne à l'autre bout va le recevoir, va vous dire, mais ça marche pas, mais ça va vous donner un délai de plus pour peut-être finir votre travail. Ça, c'est vraiment bien. J'ai posté un paquet de liens, dont Sometimes Red, Sometimes Blue, une page qui des fois est rouge, des fois est bleue. C'est juste ça. C'est une page de liens sur Kotki.org qui vous donne des sites qui ne servent qu'à une seule chose à la fois et quelque chose de pas très, très utile. Pourquoi pas? Ensuite, sur YouTube, un vidéoclip qui n'utilise que des sons de Windows XP et de Windows 98. C'est tout ce que ça utilise dans ce petit vidéo-là. C'est vraiment cool. Et puis, un paquet d'autres affaires à aller voir. Donc, une demande en mariage faite avec des chats. Vous savez, la mode sur Internet, les lolcats, une demande en mariage. La fille a répondu par lolcats aussi. Allez voir le unechance.com pour tous les liens de l'émission d'aujourd'hui. Moi, je vous retrouve au poste d'écoute les vendredis matin à 10h. L'émission qui découvre les nouveautés en même temps que vous. Et au palmarès, c'est fou les vendredis soirs à 17h. Nous, la collection en direct jeudi 11h. Rediffusion mardi 9h. De la part de toute l'équipe fictive, faites attention à vos genoux, bonne journée et bonne chance.